En Islande, chapitre 13. Il ne faut qu'un homme, un signal. Les éléments d'une révolution sont tout prêts. Qui commencera? Dès qu'il y aura un point d'appui, tout s'ébranlera. Bonaparte. Leuvig est un gros bourg situé sur la rive septentrionale du golfe de Drontheim et adossé à une chaîne basse de collines nues et bizarrement bariolées par diverses sortes de cultures, pareilles à de grands pans de mosaïque appuyés à l'horizon. L'aspect du bourg est triste. La cabane de bois et de joncs du pêcheur, la hutte conique bâtie de terre et de cailloux où le mineur invalide passe le peu de vieux jours que ses épargnes lui permettent de donner au soleil et au repos, la frêle charpente abandonnée que le chasseur de chamois revêt à son tour d'un toit de paille et de murs de peau de bête, borde des rues plus longues que le bourg parce qu'elles sont étroites et tortueuses. Sur une place où l'on ne voit plus aujourd'hui que les vestiges d'une grosse tour, s'élevait alors l'ancienne forteresse bâtie par Horda le fin archer, seigneur de Loévig et frère d'armes du roi païen Avdan, et occupée en 1698 par le syndic du bourg, lequel en eût été l'habitant le mieux logé, sans la cigogne argentée qui venait tous les étés se percher à l'extrémité du clocher pointu de l'église, pareil à la perle blanche au sommet du bonnet aigu d'un mandarin. Le matin même du jour où Ordener était arrivé à Drontheim, un personnage était débarqué, également incognito, à Loévig. Sa litière dorée, quoique sans armoirie, ses quatre grands laquais armés jusqu'aux dents, avaient soudain fait le sujet de toutes les conversations et de toutes les curiosités. L'hôte de la Mouette d'Or, petite taverne où le grand personnage était descendu, avait pris lui-même un air mystérieux et répondait à toutes les questions. « Je ne sais pas. » D'un air qui voulait dire « Je sais tout, mais vous ne saurez rien. » Les grands laquais étaient plus muets que des poissons et plus sombres que les bouches d'une mine. Le syndic s'était d'abord renfermé dans sa tour, attendant, dans sa dignité, la première visite de l'étranger. Mais bientôt les habitants l'avaient vu, avec surprise, se présenter deux fois inutilement à la Mouette d'Or, et le soir, épier un salut du voyageur appuyé sur sa fenêtre entr'ouverte. Les commères inféraient de là que le personnage avait fait connaître son haut rang au seigneur syndic. Elles se trompaient. Un messager expédié par l'étranger s'était présenté chez le syndic pour y faire viser son droit de passe. Et le syndic avait remarqué sur le grand cachet de cire verte du paquet qu'il portait deux mains de justice croisées, soutenant un manteau d'hermine surmonté d'une couronne de comte imposée à un écusson autour duquel pendaient les colliers de l'éléphant et de Dannebrog. Cette observation avait suffi au syndic, qui désirait vivement obtenir de la grande chancellerie le haut syndicat du Drontheimus. Mais il avait perdu ses avances, car le noble inconnu ne voulait voir personne. Le second jour de l'arrivée de ce voyageur à Loévig tirait à sa fin, lorsque l'hôte entra dans sa chambre en disant, après une inclination profonde, que le messager attendu de sa courtoisie venait d'arriver. « Eh bien, dit sa courtoisie, qu'il monte !» Un instant après, le messager entra, ferma soigneusement la porte, puis saluant jusqu'à terre l'étranger qui s'était à demi tourné vers lui, attendit dans un silence respectueux qu'il lui adressa la parole. « Je vous espérais ce matin, » dit celui-ci. « Qui donc vous a retenu ?»« Les intérêts de votre grâce, seigneur comte. Ai-je un autre souci ?»« Que fait Elpège ? Que fait Frédéric ? Ils sont bien portants. »« Bien, bien. » interrompit le maître. « N'avez-vous rien de plus intéressant à m'apprendre ? Quoi de nouveau à Drontheim ?»« Rien, sinon que le baron de Torvik y est arrivé hier. »« Oui, je sais qu'il a voulu consulter ce vieux mecklembourgeois Levin sur le mariage projeté. Savez-vous quel a été le résultat de son entrevue avec le gouverneur? Aujourd'hui, à midi, heure de mon départ, il n'avait point encore vu le général. Comment? L'arrivée de la veille? Vous m'étonnez, muse de mon. Et avait-il vu la comtesse? Encore moins, seigneur. C'est donc vous qui l'avez vu? Non, mon noble maître, et d'ailleurs je ne le connais pas. Mais comment? Si personne ne l'a vu, savez-vous qu'il est à Drontheim? Par son domestique, qui est descendu hier au palais du gouverneur. Mais lui, est-il donc descendu ailleurs? Son domestique assure qu'en arrivant, il s'est embarqué pour Munkholm, après être entré dans le Splatgest. Le regard du comte s'enflamma. Pour Munkholm? Pour la prison de Schumacher? En êtes-vous certain? J'ai toujours pensé que cet honnête Levin était un traître. Pour Munkholm, qui peut l'attirer là? Va-t-il demander aussi des conseils à Schumacher? Va-t-il... Noble seigneur, interrompit Miss Damon, il n'est pas sûr qu'il y soit allé. Quoi? Et que me disiez-vous donc? Vous jouez-vous de moi? Pardon, votre grâce. Je répétais au seigneur comte ce que disait le domestique du seigneur baron. Mais le seigneur Frédéric, qui était hier de garde au donjon, n'y a point vu le baron ordinaire. Belle preuve! Mon fils ne connaît pas le fils du vice-roi. Ordener a pu entrer au fort incognito. Oui, seigneur, mais le seigneur Frédéric affirme n'avoir vu personne. Le comte parut se calmer. Cela est différent. Mon fils l'affirme-t-il, en effet? Il me l'a assuré à trois reprises, et l'intérêt du seigneur Frédéric est ici le même que celui de sa grâce. Cette réflexion du message rassura complètement le comte. Ah, dit-il, je comprends. Le baron, en arrivant, aura voulu se promener un peu sur le golfe, et le domestique se sera persuadé qu'il allait à Munkholm. En effet, qu'irait-il faire là? J'étais bien sot de m'alarmer. Cette nonchalance de mon gendre à voir le vieux Levin prouve au contraire que son affection pour lui n'est pas si vive que je le craignais. Vous ne croiriez pas, mon cher Miss Desmond, poursuivit le comte avec un sourire, que je m'imaginais déjà ordinaire amoureux d'Ethel Schumacher, et que je bâtissais un roman et une intrigue sur ce voyage à Munkholm. Mais Dieu merci, ordinaire est moins fou que moi. À propos, mon cher, que devient cette jeune Danaé entre les mains de Frédéric? Mousse de Hémon avait conçu les mêmes alarmes que son maître touchant Ethel Schumacher. Et les avait combattus sans pouvoir les vaincre aussi aisément. Cependant, charmé de voir son maître sourire, il se garda bien de troubler sa sécurité et chercha au contraire à l'accroître, afin d'accroître cette sérénité si précieuse dans les grands pour leurs favoris. Noble comte, votre fils a échoué près de la fille de Schumacher, mais il paraît qu'un autre a été plus heureux. Le comte l'interrompit vivement. Un autre? Quel autre? Eh, mais je ne sais quel serf, paysan ou vassal. Dites-vous vrai? S'écria le comte, dont la figure dure et sombre était devenue radieuse. Le seigneur Frédéric me l'a affirmé, ainsi qu'à la noble comtesse. Le comte se leva et se mit à parcourir la chambre en se frottant les mains. Meus Daemon, mon cher Meus Daemon. Encore un effort et nous sommes au but. Le rejeton de l'arbre est flétri. Il ne nous reste plus qu'à renverser le tronc. Avez-vous encore quelque bonne nouvelle? Dispolsen a été assassiné. Le visage du comte se dérida entièrement. Ah! Vous verrez que nous marcherons de triomphe en triomphe. A-t-on ces papiers? A-t-on surtout ce coffre de fer? J'annonce avec peine à votre grâce que le meurtre n'a point été commis par les nôtres. Il a été tué et dépouillé sur les grèves d'Urthal, et l'on attribue cet exploit à Andisland. Andisland? Reprit le maître, dont le visage s'était rembruni. Quoi? Ce brigand célèbre que nous voulons mettre à la tête de nos révoltés? Lui-même, noble comte, et je crains, d'après ce que j'ai entendu dire, que nous n'ayons de la peine à le trouver. En tout cas, je me suis assuré d'un chef qui prendra son nom et pourra le remplacer. C'est un farouche montagnard, haut et dur comme un chêne, féroce et hardi comme un loup dans un désert de neige. Il est impossible que ce formidable géant ne ressemble pas à Andisland. Ce Andisland, demanda le comte, est donc de taille haute? C'est le bruit le plus populaire, votre grâce. J'admire toujours, mon cher Miss Dehémon, l'art avec lequel vous disposez vos plans. Quand éclate l'insurrection? Oh, très prochainement, votre grâce, en ce moment peut-être. La tutelle royale pèse depuis longtemps aux mineurs. Tous saisissent avec joie l'idée d'un soulèvement. L'incendie commencera par Gulbranchal, s'étendra à Sunmoer, gagnera Kongsberg. 2000 mineurs peuvent être sur pied en 3 jours. La révolte se fera au nom de Schumacher. C'est en ce nom que leur parlent nos émissaires. Les réserves du Midi et la garnison de Trondheim et de Skongen s'ébranleront. Et vous serez ici justement pour étouffer la rébellion, nouveau et un signe service aux yeux du roi, et pour le délivrer de ce Schumacher si inquiétant pour son trône. Voilà sur quelles indestructibles bases s'élèvera l'édifice que couronnera le mariage de la noble dame Ulrich avec le baron de Torvik. L'entretien intime de deux scélérats n'est jamais long, parce que ce qu'il y a d'homme en eux s'effraie bien vite de ce qu'il y a d'infernal. Quand deux âmes perverses s'étalent réciproquement leur impudique nudité, leur mutuelle laideur les révolte. Le crime fait horreur au crime même, et deux méchants qui conversent, avec tout le cynisme du tête-à-tête, de leurs passions, de leurs plaisirs, de leurs intérêts, se sont l'un à l'autre comme un effroyable miroir. Leur propre bassesse les humilie dans autrui, leur propre orgueil les confond, leur propre néant les épouvante. Et ils ne peuvent se fuir, se désavouer eux-mêmes dans leurs semblables, car chaque rapport au Dieu, chaque affreuse coïncidence, chaque hideuse parité, trouve en eux une voix toujours infatigable qui la dénonce à leur oreille, sans cesse fatiguée. Quelque secret que soit leur entretien, il a toujours deux insupportables témoins, Dieu, qu'il ne voit pas, et la conscience, qu'il sente. Les conversations confidentielles de Miss Dehémon étaient d'autant plus fatigantes pour le comte qu'il mettait toujours sans ménagement son maître de moitié dans les crimes entrepris ou à entreprendre. Bien des courtisans croient adroit de sauver au grand l'apparence des mauvaises actions. Ils prennent sur eux la responsabilité du mal et laissent même souvent à la pudeur du patron la consolation d'avoir semblé résister à un crime profitable. Miss Dehémon, par un raffinement d'adresse, suivait la marche contraire. Il voulait paraître conseiller rarement et toujours obéir. Il connaissait l'âme de son maître comme son maître connaissait la sienne. Aussi ne se compromettait-il qu'en compromettant le comte. La tête que le comte aurait le plus volontiers fait tomber, après celle de Schumacher, c'était celle de Miss Dehémon. Il le savait, comme si son maître le lui eût dit. Et son maître savait qu'il le savait. Le comte avait appris ce qu'il voulait apprendre. Il était satisfait, il ne lui restait plus qu'à congédier Miss Dehémon. Miss Dehémon, dit-il avec un sourire gracieux, vous êtes le plus fidèle et le plus zélé de mes serviteurs. Tout va bien et je le dois à vos soins. Je vous fais secrétaire intime de la grande chancellerie. Miss Dehémon s'inclina profondément. Ce n'est pas tout, poursuivit le comte. Je vais demander pour vous une troisième fois l'ordre de Dannebrog. Mais je crains toujours que votre naissance, votre indigne parenté... Miss Dehémon rougit, pâlit et cacha les altérations de son visage en s'inclinant de nouveau. « Allez, » dit le comte, lui présentant sa main à baiser. « Allez, seigneur secrétaire intime, rédigez votre plaqueat. Il trouvera peut-être le roi dans un moment de bonne humeur. » Que Sa Majesté l'accorde ou non, je suis confus et fier des bontés de votre grâce. Dépêchez-vous, mon cher, car je suis pressé de partir. Il faut tâcher encore d'avoir des renseignements précis sur ce an. » Mus de Aimant, après une troisième révérence, entr'ouvrit la porte. « Ah ! Dit le comte, j'oubliais. En votre qualité nouvelle de secrétaire intime, vous écrirez à la chancellerie pour qu'on envoie sa destitution à ce syndic de Loévig, qui compromet son rang dans le canton par une foule de bassesses envers les étrangers qu'il ne connaît pas. » Chapitre 14. Le religieux qui visite à minuit le reliquaire, le chevalier qui dompte un coursier belliqueux, celui qui meurt au son redouté de la trompette, celui qui meurt au bruit pacifique des oraisons, sont l'objet de tes soins, prodigués également à l'homme pieux, sous le casque ou sous la tonsure. Hymne à saint Anselme. Oui, maître, nous devons en vérité un pèlerinage à la grotte de l'Inras. Eût-on cru que cet ermite, que je maudissais comme un esprit infernal, serait notre ange sauveur, et que la lance qui semblait nous menacer à tout moment nous servirait de pont pour franchir le précipice. C'est en ces termes, assez burlesquement figurés, que Béninus Piagudry faisait éclater aux oreilles d'ordinaire sa joie, son admiration et sa reconnaissance pour l'ermite mystérieux. On devine que nos deux voyageurs sont sortis de la tour maudite. Au point où nous les retrouvons, ils ont même déjà laissé assez loin derrière eux le hameau de Vigla et suivent péniblement une route montueuse, entrecoupée de mares ou embarrassée de grosses pierres que les torrents passagers de l'orage ont déposées sur la terre humide et visqueuse. Le jour ne paraît pas encore. Seulement les buissons qui couronnent les rochers des deux côtés du chemin se détachent du ciel déjà blanchâtre, comme des découpures noires, et l'œil voit les objets, encore sans couleur, reprendre par degrés leur forme à cette lumière terne, et en quelque sorte épaisse, que le crépuscule du nord verse à travers les froids brouillards du matin. Ordener gardait le silence, car depuis quelques instants, il s'était doucement livré à ce demi-sommeil que le mouvement machinal de la marche permet quelquefois. Il n'avait pas dormi depuis la veille, où il avait donné au repos, dans une barque de pêcheurs amarrée au port de Drontein, le peu d'heures qui avait séparé sa sortie du Splatgest de son retour à Munkholm. Aussi, tandis que son corps s'avançait vers Skongen, son esprit s'était envolé au golfe de Drontein, dans cette sombre prison, sous ces lugubres tours qui renfermaient le seul être auquel il put, dans le monde, attacher l'idée d'espérance et de bonheur. Éveillé, le souvenir de son étel dominait toutes ses pensées. Endormi, ce souvenir devenait comme une image fantastique qui illuminait tous ses rêves. Dans cette seconde vie du sommeil, où l'âme existe un moment seul, où l'être physique, avec tous ses maux matériels, semble s'être évanoui, il voyait cette Vierge bien-aimée, non plus belle, non plus pure, mais plus libre, plus heureuse, plus à lui. Seulement, sur la route de Skongen, l'oubli de son corps, l'engourdissement de ses facultés, ne pouvait être complet. Car de temps en temps, une fondrière, une pierre, une branche d'arbre, heurtant ses pieds, le rappelait brusquement de l'idéal au réel. Il relevait alors la tête, entr'ouvrait ses yeux fatigués, et regrettait d'être retombé de son beau voyage céleste dans son pénible voyage terrestre, où rien ne le dédommageait de ses illusions enfouies, que l'idée de sentir, contre son cœur, cette boucle de cheveux qui lui appartenait, en attendant qu'Ethel, tout entière, fût à lui. Puis ce souvenir ramenait la charmante image fantastique, et il remontait mollement, non dans son rêve, mais dans sa vague et opiniâtre rêverie. « Maître, répéta Spiagudry d'une voix plus forte, qui, joint au choc d'un tronc d'arbre, réveilla Ordener, ne craignez rien. Les archers ont pris sur la droite avec l'ermite en sortant de la tour, et nous sommes assez loin d'eux pour pouvoir parler. Il est vrai que jusqu'ici, le silence était prudent. « Vraiment, » dit Ordener en bâillant, « vous poussez la prudence un peu loin. Il y a 3 heures au moins que nous avons quitté la tour et les archers. »« Cela est vrai, seigneur, mais prudence ne nuit jamais. Voyez, si je m'étais nommé au moment où le chef de cette infernale escouade a demandé Béninus Piagudry, d'une voix pareille à celle dont Saturne demandait son fils nouveau-né pour le dévorer. Si même en ce moment terrible, je n'avais eu recours à une taciturnité prudente, où serais-je, mon noble maître ? Ma foi, vieillard, je crois qu'en ce moment-là, nul n'eût pu obtenir de vous votre nom. Eût-on employé des tenailles pour vous l'arracher ? Avais-je tort, maître ? Si j'avais parlé, l'ermite que saint Hospice et saint Usbal le solitaire bénissent, l'ermite n'aurait pas eu le temps de demander au chef des archers si son escouade n'était pas composée de soldats de la garnison de Mulcom. Question insignifiante, faite uniquement pour gagner du temps. Avez-vous remarqué, jeune seigneur, après la réponse affirmative de ce stupide archer, avec quel sourire singulier l'ermite l'a invité à le suivre, en lui disant qu'il connaissait la retraite du fugitif Béninus Piagudry. Ici, le concierge s'arrêta un moment, comme pour prendre de l'élan, car il reprit soudain d'une voix larmoyante d'enthousiasme. « Bon prêtre, digne et vertueux anachorète, pratiquant les principes de l'humanité chrétienne et de la charité évangélique. Et moi qui m'effrayais de ces dehors, assez sinistre à la vérité. Mais il cache une si belle âme. Avez-vous encore remarqué, mon noble maître, qu'il y avait quelque chose de singulier dans l'accent dont il m'a dit « Au revoir » en emmenant les archers ? Dans un autre moment, cet accent m'eût alarmé. Mais ce n'est pas la faute du pieux et excellent ermite. La solitude donne sans doute à la voix ce timbre étrange. Car je connais, seigneur. » Ici, la voix de Béninus devint plus basse. « Je connais un autre solitaire, ce formidable vivant que... Mais non, par respect pour le vénérable ermite de Lainras, je ne ferai pas cet odieux rapprochement. Les gants n'ont également rien d'extraordinaire, il fait assez froid pour qu'on en porte. Et sa boisson salée ne m'étonne pas davantage. Les cénobites catholiques ont souvent des règles singulières. » Celle-là même, maître, se trouve indiquée dans ce vers du célèbre Urantius, religieux du mont Caucase. « Rivos despiciens, maris undam, polat amaram ». Comment ne me suis-je pas rappelé ce vers dans cette maudite ruine de Vigla ? Un peu plus de mémoire m'aurait épargné de bien folles alarmes. Il est vrai qu'il est difficile, n'est-ce pas, seigneur, d'avoir ses idées nettes dans un pareil repère, assis à la table d'un bourreau. D'un bourreau. D'un être voué au mépris et à l'exécration universelle, qui ne diffère de l'assassin que par la fréquence et l'impunité de ses meurtres, dont le cœur, à toute l'atrocité des plus affreux brigands, réunit la lâcheté que du moins leurs crimes aventureux ne leur permettent pas. D'un être qui offre à manger et verse à boire de la même main qui fait jouer des instruments de torture et crier les os des misérables entre les airs approchés d'un chevalet. Respirer le même air qu'un bourreau. Et le plus vil mendiant, si ce contact impur l'a souillé, abandonne avec horreur les derniers haillons qui protégeaient contre l'hiver ses maladies et ses nudités. Et le chancelier, après avoir scellé ses lettres d'office, les jette sous la table des sceaux en signe de dégoût et de malédiction. Et en France, quand le bourreau est mort à son tour, les sergents de la prévôté aiment mieux payer une amende de 40 livres que de lui succéder. Et à Pesse, le condamné Churchill, auquel on offrait sa grâce avec des lettres d'exécuteur, préféra le rôle de patient au métier de bourreau. N'est-il pas encore notoire, noble jeune seigneur, que Turmerine, évêque de Maestricht, fit purifier une église où était entré le bourreau, et que la tsarine Petrovna se lavait le visage chaque fois qu'elle revenait d'une exécution. Vous savez également que les rois de France, pour honorer les gens de guerre, veulent qu'ils soient punis par leurs camarades, afin que ces nobles hommes, même lorsqu'ils sont criminels, ne deviennent pas infâmes par l'attouchement d'un bourreau. Et enfin, ce qui est décisif dans la descente de Saint-Georges aux enfers, par le savant Mélasius Iturnam, car on ne donne-t-il pas au brigand Robin Hood le pas sur le bourreau flic crasse ? Vraiment, maître, si jamais je deviens puissant, ce que Dieu seul peut savoir, je supprime les bourreaux et je rétablis l'ancienne coutume et les vieux tarifs. Pour le meurtre d'un prince, on paiera, comme en 1150, 1440 doubles écus royaux. Pour le meurtre d'un comte, 1440 écus simples. Pour celui d'un baron, 1440 bas écus. Le meurtre d'un simple noble sera taxé à 1440 escalins. Et celui d'un bourgeois, « N'entends-je pas le pas d'un cheval qui vient à nous ?» interrompit Ordener. Ils tournèrent la tête. Et, comme le jour avait paru pendant le long soliloque scientifique de Spiagudry, ils purent distinguer, en effet, à 100 pas en arrière, un homme vêtu de noir, agitant un bras vers eux, et pressant de l'autre un de ces petits chevaux d'un blanc sale que l'on rencontre souvent, domptés ou sauvages, dans les montagnes basses de la Norvège. « De grâce, maître !» dit le peureux concierge. « Pressons le pas, cet homme noir m'a tout l'air d'un archer. »« Comment, vieillard, nous sommes deux, et nous fuirions devant un seul homme ?»« Hélas, 20 éperviers fuient devant un hibou. Quelle gloire y a-t-il à attendre un officier de justice ?»« Mais qui vous dit que c'en est un ?» reprit Ordener, dont les yeux n'étaient pas troublés par la peur. « Rassurez-vous, mon brave guide, je reconnais ce voyageur. Arrêtons-nous. » Il fallut céder. Un moment après, le cavalier les aborda, et Spiagudry cessa de trembler en reconnaissant la figure grave et sereine de l'aumônier Athanase Munder. Celui-ci les salua en souriant et arrêta sa monture, en disant d'une voix que son essoufflement entrecoupait « Mes chers enfants, c'est pour vous que je reviens sur mes pas. Et le Seigneur ne permettra sans doute pas que mon absence, prolongée dans une intention de charité, soit préjudiciable à ceux auxquels ma présence est utile. « Seigneur ministre, répondit Ordener, nous serions heureux de pouvoir vous servir en quelque chose. C'est moi, au contraire, noble jeune homme, qui veux vous servir. Daigneriez-vous me dire quel est le but de votre voyage ? Révérend aumônier, je ne puis. Je désire qu'en effet, mon fils, il y ait de votre part impuissance et non défiance, car alors, malheur à moi, malheur à celui dont l'homme de bien se défie, même quand il ne l'a vu qu'une fois. » L'humilité et l'onction du prêtre touchèrent vivement Ordener. « Tout ce que je puis vous dire, mon père, c'est que nous visitons les montagnes du Nord. » « C'est ce que je pensais, mon fils, et voilà pourquoi je viens à vous. Il y a dans ces montagnes des bandes de mineurs et de chasseurs, souvent redoutables aux voyageurs. Eh bien, je sais qu'il ne faut pas essayer de détourner de sa route un noble jeune homme qui va chercher un danger, mais l'estime que j'ai conçue pour vous m'a inspiré un autre moyen de vous être utile. Le malheureux faux monnayeur, auquel j'ai porté hier les dernières consolations de mon Dieu, avait été mineur. Au moment de la mort, il m'a donné ce parchemin sur lequel son nom est écrit, disant que cette passe me préserverait de tout danger, si jamais je voyageais dans ces montagnes. Hélas, à quoi cela pourrait-il servir à un pauvre prêtre qui vivra et mourra avec des prisonniers, et qui d'ailleurs, inter castra latronum, ne doit chercher de défense que dans la patience et la prière, seules armes de Dieu. Si je n'ai pas refusé cette passe, c'est qu'il ne faut point affliger par un refus le cœur de celui qui, dans peu d'instants, n'aura plus rien à recevoir et à donner sur la terre. Le bon Dieu daignait m'inspirer, car aujourd'hui je puis vous apporter ce parchemin, afin qu'il vous accompagne dans les hasards de votre route, et que le don du mourant soit un bienfait pour le voyageur. Ordener reçut avec attendrissement le présent du vieux prêtre. « Seigneur aumônier, dit-il, Dieu veuille que votre désir soit exaucé. Merci. Pourtant, ajouta-t-il, mettant la main sur son sabre, Je portais déjà mon droit de passe à mon côté. « Jeune homme, dit le prêtre, peut-être ce frêle parchemin vous protégera-t-il mieux que votre épée de fer. Le regard d'un pénitent est plus puissant que le glaive même de l'archange. Adieu, mes prisonniers m'attendent. Veuillez prier quelquefois pour eux et pour moi. » Saint prêtre, reprit Ordener en souriant, je vous ai dit que vos condamnés auraient leur grâce. Ils l'auront. Oh, ne parlez pas avec cette assurance, mon fils. Ne tentez pas le Seigneur. Un homme ne sait pas ce qui se passe dans le cœur d'un autre homme, et vous ignorez encore ce que décidera le fils du vice-roi. Peut-être, hélas, ne daignera-t-il jamais admettre devant lui un humble aumônier. Adieu, mon fils, que votre voyage soit béni, et que parfois il sorte de votre belle âme un souvenir pour le pauvre prêtre et une prière pour les pauvres prisonniers. Chapitre 15. Sois le bienvenu, Hugo. Dis-moi, toi, as-tu jamais vu un orage aussi terrible ? Mathurin Bertram. Dans une salle attenante aux appartements du gouverneur de Trondheim, trois des secrétaires de son Excellence venaient de s'asseoir devant une table noire, chargée de parchemins, de papiers, de cachets et d'écritoires, et près de laquelle un quatrième tabouret, resté vide, annonçait qu'un des scribes était en retard. Ils étaient déjà depuis quelque temps méditant et écrivant, chacun de leur côté, quand l'un d'eux s'écria « Savez-vous, Wapemé, que ce pauvre bibliothécaire Foxtip va, dit-on, être renvoyé par l'évêque, grâce à la lettre de recommandation dont vous avez appuyé la requête du docteur Anglivius ?»« Que nous comptez-vous là, Richard ?» dit vivement celui des deux autres secrétaires, auxquels ne s'adressait point Richard. « Wapemé n'a pu écrire en faveur d'Anglivius, car la pétition de cet homme a révolté le général quand je la lui ai lue. » « Vous me l'aviez dit, en effet, » reprit Wapemé. « Mais j'ai trouvé sur la pétition le mot « tribuature » de la main de son Excellence. « En vérité ? » s'écria l'autre. « Oui, mon cher, et plusieurs autres décisions de son Excellence, dont vous m'aviez parlé, sont également changées dans les apostilles. Ainsi, sur la requête des mineurs, le général a écrit « Negetur ».« Comment ? » Mais je n'y comprends rien. Le général craignait l'esprit turbulent de ces mineurs. Il a peut-être voulu les effrayer par la sévérité. Ce qui me le ferait croire, c'est que le placé de l'aumônier Munder, pour les 12 condamnés, est également mis à néant. Le secrétaire auquel Wapernay parlait se leva ici brusquement. Oh, pour le coup, je ne peux vous croire. Le gouverneur est trop bon et m'a montré trop de pitié envers ses condamnés pour... « Eh bien, Arthur, » reprit Wapernay, « lisez-vous-même. » Arthur prit le placé et vit le fatal signe de réprobation. « Vraiment, » dit-il, « j'en croise à peine mes yeux. Je veux représenter le placé au général. Quel jour son Excellence a-t-elle donc apostillé ses pièces ?»« Mais, » répondit Wapernay, « je crois qu'il y a 3 jours. » Ça a été, reprit Richard à voix basse, dans la matinée qui a précédé l'apparition si courte et la disparition si mystérieusement subite du baron Ordener. « Tenez !» s'écria vivement Wapernay, avant qu'Arthur eût eu le temps de répondre. « Ne voilà-t-il pas encore un tribuature sur la burlesque requête de ce Beninus Piagudry ?» Richard éclata de rire. « N'est-ce pas ce vieux gardien de cadavre qui a également disparu d'une manière si singulière ?»« Oui, » reprit Arthur. « On a trouvé dans son charnier un cadavre mutilé, en sorte que la justice le fait poursuivre comme sacrilège. Mais un petit lapon qui le servait et qui est resté seul au Splaggest pense, avec tout le peuple, que le diable l'a emporté comme sorcier. »« Voilà, » dit Wapernay en riant. Un personnage qui laisse une bonne réputation. » Il achevait à peine son éclat de rire quand le quatrième secrétaire entra. En honneur, Gustave, vous arrivez bien tard ce matin. Vous seriez-vous marié par hasard hier ? Eh non, reprit Wapherney. C'est qu'il aura pris le chemin le plus long pour passer avec son manteau neuf, sous les fenêtres de l'aimable Rosalie. Wapherney, dit le nouveau venu, je voudrais que vous eussiez deviné, mais la cause de mon retard est certes moins agréable, et je doute que mon manteau neuf ait produit quelque effet sur les personnages que je viens de visiter. D'où venez-vous donc ? Demanda Arthur. Du Splaggest. Dieu mes témoins ! S'écria Wapherney, laissant tomber sa plume. Que nous en parlions tout à l'heure ! Mais si l'on peut en parler par passe-temps, je ne conçois pas comment on y entre. Eh bien, moins encore, dit Richard, comment on s'y arrête ? Mais, mon cher Gustave, qu'y avez-vous donc vu ? Oui, dit Gustave, vous êtes curieux, sinon de voir, du moins d'entendre, et vous seriez bien puni si je refusais de vous décrire ces horreurs auxquelles vous frémiriez d'assister. Les trois secrétaires pressèrent vivement Gustave, qui se fit un peu prier, quoique son désir de leur raconter ce qu'il avait vu ne fût pas intérieurement moins vif que leur envie de le savoir. Allons, Wapherney, vous pourrez transmettre mon récit à votre jeune sœur, qui aime tant les choses effrayantes. J'ai été entraîné dans le Splaggest par la foule qui s'y pressait. On vient d'y apporter les cadavres de trois soldats du régiment de Munkholm et de deux archers, trouvés hier à 4 lieues dans les gorges, au fond du précipice de Cascaditmore. Quelques spectateurs assurent que ces malheureux composaient l'escouade envoyée il y a 3 jours dans la direction de Skongen, à la recherche du concierge fugitif du Splaggest. Si cela est vrai, on ne peut concevoir comment tant d'hommes armés ont pu être assassinés. La mutilation des corps paraît prouver qu'ils ont été précipités du haut des rochers. Cela a fait dresser les cheveux. Quoi ? Gustave, vous les avez vus ? Demanda vivement Wapherney. Je les ai encore devant les yeux. Et présume-t-on quels sont les auteurs de cet attentat ? Quelques personnes pensaient que ce pouvait être une bande de mineurs et assuraient qu'on avait entendu hier dans les montagnes les sons de la corne avec laquelle ils s'appellent. « En vérité ! » dit Arthur. « Oui, mais un vieux paysan a détruit cette conjecture en faisant observer qu'il n'y avait ni mine ni mineurs du côté de Cascaditmore. Mais qui serait-ce donc ? On ne sait. Si les cornes étaient entiers, on pourrait croire que ce sont quelques bêtes féroces, car ils portent sur leurs membres de longues et profondes égratignures. Et il en est de même du cadavre d'un vieillard à barbe blanche qu'on a apporté au Splaggest avant-hier matin, à la suite de cet affreux orage qui vous a empêché, mon cher Léon Wapherney, d'aller visiter sur l'autre rive du golfe votre héros du coteau de Larsine. « Bien, bien, Gustave, » dit Wapherney en riant. « Mais quel est ce vieillard ?»« À sa haute taille, à sa longue barbe blanche, à un chapelet qu'il tient encore fortement serré entre ses mains, quoiqu'il ait été trouvé du reste absolument dépouillé, on a reconnu, dit-on, un certain ermite des environs. Je crois qu'on l'appelle l'ermite de Lenras. Il est évident que le pauvre homme a été également assassiné. » Mais dans quel but ? On n'égorge plus maintenant pour opinion religieuse, et le vieil ermite ne possédait au monde que sa robe de bure et la bienveillance publique. Et vous dites, reprit Richard, que ce corps est déchiré, ainsi que ceux des soldats, comme par les ongles d'une bête féroce ? Oui, mon cher, et un pêcheur affirmait avoir remarqué des traces pareilles sur le corps d'un officier, trouvé il y a 2 jours, assassiné vers les grèves d'Urktal. Cela est singulier, dit Arthur. Cela est effroyable, dit Richard. Allons, reprit Wapherney, silence et travail, car je crois que le général va bientôt venir. Mon cher Gustave, je suis bien curieux de voir ses corps. Si vous voulez, ce soir, en sortant, nous entrerons un moment au Splaggest.